Même si je suis pas balafré, je veux que ça sonne lourd, l'ingé n'aura pas la paix. Loin de chez nous, Harbi à la Kanye West. Je viens d'un village des Z un peu perdu à l'ouest. Putain c'est salace, salace. Faut dire que le son a changé ma life Maintenant veulent tous me faire la bise. Pas de quoi la whiz, que des 10-10-10. Y'a que ça dans ma jean. Hey lâche l'affaire, je fais trembler le S-line. Allez, baby lâche l'affaire, je préfère rester dans le bat. Allez, aïe aïe aïe, la maille aïe, j'trouve la faille pour la manier. Alicante est dans le barrio, j'viendrai quand t'es plein le barrier. Neuf départements, y'a tout dans le bâtiment. Confiné, je viens du continent, je viens pas copiner. Ouais, qu'est-ce que tu crois, Miami? Ah, tu veux Miami, je te lève comme à Baltimore, je fais plus à Miami. Les rages sont sur Twitter, on sait qui sont les buteurs. Je me pose sur la butée pour fumer mon pet à 6h. On redémarre la fusée, dans ce game faudra m'éviter. Pisse à ces fils de qui voulaient tous me lapider. Baby, lâche l'affaire, je fais trembler le S-line. Allez. Baby lâche l'affaire, je préfère rester dans le boîte. Allez, aïe aïe aïe, la maille aïe, j'trouve la faille pour la manier. Alicante est dans le barrio, j'viendrai quand t'es plein le barrier. Aïe aïe aïe, la maille aïe, j'trouve la faille pour la manier. Alicante est dans le barrio. À le million, on veut tout faire, tout péter pour le million. À le million, à le million, on veut tout faire, tout péter pour le million. À le million, à le million, on veut tout faire, tout péter pour le million. À le million, à le million.